11 ce matin. Bon, en fait, je voulais pas sortir, mais les gars étaient sous ça, quoi. Et en plus, j'ai un vol à 2h22 AM pour Tokyo. Je prends quelques verres et puis... On est là, on fait la fête. Et c'est là que j'ai vu la femme de mes rêves. Avec un corps de ouf, saveur antillaise. Elle est si belle à regarder, c'est un privilège. Je l'invite danser, elle me dit oui, elle me prend de sa main. Juste toi et moi, bébé, si t'es collé. Quand on danse, c'est de la sensualité. Façon d'approuver, ça peut tout se passer si haut. Et elle me dit, bébé, amène-moi à Tokyo. J-O-U-Y-A-D à Tokyo. J-O-U-Y-A-D.